Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Barque sur le Nil, je vous propose un voyage dans la fascinante Égypte antique. Voici des pharaons, des dieux et des animaux qui eux-mêmes sont des dieux. Et voici des travailleurs pour la plus ancienne grève connue. Bâtisseurs de pyramides, unissez-vous. C'est un voyage dans le temps, avec les orientalistes et les scientifiques, Champollion et de la partie, mais aussi un voyage dans nos représentations. Pourquoi les pharaons noirs ont-ils été oubliés ? Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Grève sur le Nil, bâtisseur de pyramides, unissez-vous. Un bien étrange papyrus est conservé au musée de Turin en Italie. Il s'agit d'une supplique adressée à Pharaon par les ouvriers de Deir el-Médina, sur le Nil, pas très loin de Thèbes. Des ouvriers mécontents, au point qu'ils ont cessé le travail. S'agirait-il de la plus ancienne grève documentée ? Cette grève du XIIe siècle avant Jésus-Christ a été concurrencée récemment avec la découverte d'une autre grève dans l'Égypte antique. Camarades, on vous exploite. On vous crève à la tâche. Et franchement, voilà. Il a raison. Hé, hey, c'est la fin de la pause. Allez, allez, bougez, au travail, au travail. Pas content, pas content, pas content, pas content. Nous refusons de reprendre le travail. L'heure de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Pas content ! Pas content ! Pas content ! Pas content ! Pas content ! Pas content ! Pas content ! Pas content ! Qui est le responsable ? Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi ? D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itineris. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages. Un extrait du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, un film d'Alain Chabat en 2002, avec une des grèves les plus connues de l'Égypte antique, bien sûr, mais là, sous Cléopâtre. Bonjour Pierre Tallet. Bonjour. Attention, hein, j'évoquais juste en introduction cette grève du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ici, nous sommes avec Cléopâtre, donc c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. La temporalité de l'Égypte antique est si importante. En revanche, peut-on dire que sur les modes de production, ça n'a pas beaucoup évolué ? Alors en fait, on a finalement des organisations sociales qui sont assez similaires pendant pratiquement 3000 ans d'histoire. Et ces organisations d'ouvriers que l'on connaît pour l'époque de Deir el-Médina notamment, c'est-à-dire autour du XIIe siècle, XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sont déjà en place, je dirais, au temps de la construction des pyramides sous Khéops, pratiquement un millénaire plus tôt. C'est quelque chose qu'il faut souligner, hein, cette longue temporalité, et puis avec ses continuités. Bonjour Guillemette André-Lanoé. Bonjour. Vous confirmez, hein, il y a des structures qui demeurent. C'est tout à fait intéressant de voir que ce sur quoi travaille actuellement Pierre Tallet et ce que révèlent les sources trouvées à Deir el-Médina sont très dans le continuum en fait d'une société qui s'organisait pour aussi les constructions destinées à la gloire du pharaon. Pierre Tallet, donc vous êtes l'homme des pyramides. Alors, pas exactement. En fait, j'ai travaillé pendant assez longtemps sur un port de la mer Rouge, mais il se trouve que ce port a été occupé au début de la 4e dynastie, hein, autour de 2600 avant Jésus-Christ. Et ce port est en fait en connexion directe avec le chantier de construction de la pyramide de Gizeh. Et sur ce port, on a des équipes qui sont polyvalentes, qui de temps en temps travaillent dans différents endroits d'Égypte, dont ce port sur la mer Rouge, mais aussi près de la pyramide pour apporter des blocs et pour gérer le chantier de construction de la grande pyramide de Khéops. Il faut regarder un petit peu à côté pour savoir comment fonctionne le monde du travail, parce que la pyramide, c'est le monument évidemment sur lequel portent tous les regards, mais il faut regarder justement vers le port pour savoir comment cette pyramide a pu être construite. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être un hasard, mais à Gizeh même, on n'a pas retrouvé une documentation qui permette de rentrer un petit peu au-delà de la façade du décor, en fait. Et sur le site du Wadi El-Jarf, nous avons trouvé les archives de ces ouvriers qui étaient employés par la monarchie Russie. Il tenait des journaux de bord pour expliquer jour après jour ce qu'il faisait. Et nous avons aussi toutes les comptabilités par lesquelles l'administration enregistrait ce qui leur était donné pour se nourrir, comme matériel pour travailler. Et donc finalement, cette documentation qui a été trouvée sur une zone très excentrée nous ramène finalement au cœur du problème de la pyramide et de sa construction, qui est un élément central du règne de Khéops. Et on a pour la première fois finalement la possibilité de se glisser derrière le décor et de voir quel est le rouage qui permet la construction d'un tel monument. Ces sources, ces documents, quelle matérialité ? C'est du papyrus ? Alors, on a retrouvé effectivement des papyrus qui sont actuellement les plus anciens papyrus jamais retrouvés. On ne sait pas pourquoi ils étaient là. Enfin, si, on sait pourquoi ils avaient été apportés au Wadi Jarf. Les équipes d'ouvriers se promenaient certainement avec leurs archives pour pouvoir les compléter jour après jour. On ne sait pas pourquoi, par contre, elles ont été laissées sur place et non pas rapatriées dans la capitale pour y être certainement inventoriées, compilées et stockées. Mais en tout cas, nous avons pour la première fois finalement des journaux de bord, donc des documents de la vie quotidienne, qui sont pas du tout des monuments officiels, et qui permettent de porter un tout autre regard sur des travaux comme ceux de la construction de la pyramide de Khéops. Guillemette André-Lanoé, vous nous avez dit que sur votre objet d'étude à vous, il y a une continuité. Alors quel est votre objet d'étude ? Alors moi, mon objet d'étude, enfin, ce dont j'ai la prétention d'être un peu spécialiste, c'est le site de Deir el-Médina, qui est un site archéologique bien connu sur la rive ouest du Nil, face à Louxor, qui abrite les vestiges d'une agglomération qui, on va dire avec quelques interruptions, mais de 1550 à 1100 avant Jésus-Christ, abritait donc la communauté d'artisans, d'artistes et d'ouvriers qui travaillaient au creusement et à la décoration des tombes royales dans la vallée des rois. Donc c'est un site tout à fait unique parce que c'est vraiment un site profane. Et nous avons très peu de vestiges d'habitat civil. Et là, on a vraiment, en plus, eu la chance, depuis le début du 19e siècle, parce que vous parliez du papyrus de Turin, mais tout ça a été dégagé et mis au jour par les premières fouilles, on va dire plutôt sauvages, du début du 19e, avant même la découverte du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Et depuis, on a quand même des milliers de textes, aussi bien sur papyrus que sur éléments, fragments de calcaire qu'on appelle des ostracas ou des tessons de poterie, qui racontent pendant autant d'années, autant de siècles, la vie quotidienne du travail dans la vallée des rois et à l'intérieur même cette agglomération dont on arrive à comprendre le fonctionnement social, sociétal et même familial. Dans la recherche historique, égyptologique, vous êtes très proche, mais alors Milan vous sépare en revanche sur vos objets d'études, hein, c'est bien ça. Mais Pierre a travaillé sur Deir el-Médina aussi. Ah bah voilà. Oui, j'ai aussi un peu travaillé sur Deir el-Médina. En fait, de façon générale, je pense qu'on s'intéresse beaucoup justement à tout ce qui est vie sociale et quitter un petit peu l'histoire officielle avec justement simplement la succession des rois, la chronologie, les grands monuments, la religion. C'est intéressant aussi de porter un regard sur finalement des catégories moins privilégiées, même populaires en fait, même si elles sont un peu particulières car elles travaillent pour la monarchie. Ça apporte un angle nouveau qui n'a pas toujours été, je dirais, le plus abordé par les égyptologues. Surtout qu'il y a énormément de représentations et à travers le cinéma, la littérature qui touchent à ce monde ouvrier. Par exemple, une question basique, et je la pose, comme ça vous allez pouvoir me corriger, ces ouvriers sont-ils esclaves ? Ah, c'était pas si basique en fait. Non, c'est une très bonne question. C'est un sujet qui est encore débattu. En fait, à Deir el-Médina, il est évident qu'on a affaire quand même à une corporation de membres de cette communauté qui étaient plutôt des privilégiés parce qu'ils avaient été distingués par le vizir qui était donc le bras droit du roi pour ce chantier pharaonique dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que du coup, ces hommes avaient quand même accès aux gens qui comptaient beaucoup pour le vizir. Ils comptaient eux-mêmes pour le vizir. Et c'est tout à fait intéressant de voir ce rapprochement, ce lien finalement, souvent intime, qu'il y a entre cette corporation. Donc on ne peut pas parler d'esclaves. En revanche, à Deir el-Médina, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'esclaves. Et en particulier, puisqu'on en parlera peut-être plus tard, mais on sait qu'il y avait un groupe de femmes qui étaient comme des domestiques, étaient des personnes qui venaient de l'extérieur et qui étaient mises à disposition de l'agglomération pour les travaux domestiques. Donc notre collègue qui n'est plus de ce monde, François Neveu, parlait d'esclaves et je crois qu'il avait raison. Alors pour les pyramides, évidemment, c'est là que peut-être qu'on a l'image d'Épinal la plus nette. Hein, pour, ouais. Dans notre imaginaire, les ouvriers ils travaillent sur le fouet pour pouvoir monter les blocs de la pyramide de Khéops. En fait, effectivement, tout ça, c'est une fausse vision que nous avons. Pour construire un monument de ce genre, il faut des spécialistes et non pas justement une main-d'œuvre brute. Ce sont des gens qui sont formés, qui sont qualifiés, qui sont toujours les mêmes. C'est pas des paysans que l'on réquisitionne pour une corvée au moment de la crue. Et en fait, on se rend compte justement par les archives qu'ils nous ont laissées que ces personnages sont comme ceux de Deir el-Médineh d'ailleurs, très privilégiés par rapport finalement à d'autres couches de la société égyptienne à la même époque. Ils ont accès à une nourriture qui semble être relativement diversifiée, parfois d'ailleurs luxueuse parce qu'elle est prélevée sur des quotas de circuits économiques qui approvisionnent aussi la cour, la famille royale. Et puis, on se rend compte aussi qu'ils sont très proches du pouvoir d'une certaine façon. Une de ces équipes porte le nom de connue du roi Khéops, ce qui veut dire que peut-être ils ont été au moins une fois dans leur vie en présence du roi lui-même. Et on se rend compte que finalement, ils ont des opérations, enfin des occupations qui sont polyvalentes. Bon, ils peuvent chercher des blocs, ils peuvent tailler des blocs et les placer, mais ils peuvent aussi être impliqués dans le culte royal auprès de la pyramide de Khéops, du vivant même du roi. Donc ces personnages sont loin d'être des esclaves, ils forment une couche, en fait, je dirais, c'est peut-être une classe moyenne d'une certaine façon, mais ils sont entre finalement les hauts fonctionnaires et finalement la grande masse des paysans qui certainement a beaucoup moins de privilèges. C'est le cas donc de ces constructeurs des pyramides et à Deir el-Médineh, il y a de cela aussi, il ne faudrait pas avoir cet effet loupe et considérer que ce qui se passe à cet endroit-là peut être comparé à l'ensemble de ce qui se passe en Égypte. Non, on est vraiment au cœur d'une société très bien organisée et qui n'hésite pas à effectivement déposer des plaintes. On voit des ouvriers. Alors nous, on a tort. Vous savez, on s'est beaucoup intéressé à Deir el-Médineh au moment où le marxisme était quand même très important et on a eu à tort, à mon avis, l'idée d'appeler les hommes de la communauté Deir el-Médineh des ouvriers. En fait, ce sont des travailleurs, on va dire, c'est plus juste, des travailleurs pour la construction de la tombe royale. Donc c'est une institution extrêmement privilégiée, comme le dit Pierre, c'est la même chose. Mais ce qui est formidable, c'est que tant pour la construction de la pyramide de Khéops que pour, on va dire, la construction des tombes des Ramsès dans la vallée des Rois, on a tant de documents. Et c'est vrai que la découverte du Wadi Al-Jaf est tout à fait sensationnelle, parce que là, on a des écrits qu'on n'imaginait pas avoir. Enfin, là, c'est quand même des découvertes qui permettent de mieux comprendre, finalement, comment le monde du travail était organisé pour le bien-être et pour la gloire posthume, on va dire, du pharaon. Oui, nous pouvons nous permettre de nous poser quelques secondes. C'est vrai que les représentations que nous avons à travers la littérature, le cinéma, etc., bien contribuent à ce que nous imaginons de ce monde ouvrier, mais vous l'avez souligné, Guillemette André Lanoé, il y a aussi une lecture politique. Le moment où ces découvertes ont été faites, c'est vrai que créer un monde ouvrier dans l'Égypte antique, c'était aussi intéressant. Il faut se départir de tout cela, enfin juste pour faire un travail sérieux. Alors, il y a quand même peut-être quelques caractéristiques du monde ouvrier, malgré tout, qui émergent de cette documentation, puisque ces ouvriers sont organisés en corporations aussi. Ils ont parfois, d'ailleurs, des cultes qui leur sont appropriés, ils ont des saints patrons qui les protègent. À Deir el-Médineh, il y a donc le culte d'Amenhotep Ier en particulier et de sa mère qui est assez développée et donc on voit beaucoup d'images au travers de Deir el-Médineh. On se rend compte pour d'autres périodes comme par exemple au Moyen Empire égyptien, on a des ouvriers qui sont envoyés au Sinaï pour exploiter les mines de turquoise qui sont généralement d'ailleurs des ouvriers qui travaillent en temps normal là encore à la construction du monument royal, du monument funéraire des rois de l'époque, les Aménémates et les Sésostris, et ils amènent avec eux au Sinaï le culte de leur saint patron qui est le roi Snéfrou divinisé. Donc on voit bien qu'il y a quand même une certaine cohérence, et d'après la documentation qui a été trouvée justement à l'endroit des pyramides de ces rois de la 12e dynastie, ces rois avaient fait construire leur propre pyramide bien plus tard auprès de monuments plus anciens d'un roi de la 4e dynastie, et bien on a retrouvé finalement les traces d'une corporation religieuse qui est en prise directe avec ces organisations ouvrières. Donc elles ont une identité et elles ont d'ailleurs finalement aussi une certaine cohérence justement dans les revendications qu'elles peuvent présenter. Oui, exactement. Et elles n'hésitent pas à porter plainte, à les dénoncer. Pendant la dernière Médina, il y avait un tribunal qui existait peut-être ailleurs en Égypte, mais c'est surtout à Deir el-Médina qu'on en a les attestations archéologiques et textuelles, qui s'appelait la Kenbet et qui était une instance qui siégeait régulièrement et qui recevait les plaintes et qui s'occupait de la distribution des rations. Enfin, il y avait quelque chose de très légiféré, on peut dire presque, en tout cas réglementé plutôt, pour la bonne marche et pour le bien-être de cette communauté qui avait comme mission de créer la tombe du roi, mais en même temps de participer à cet espace sacré, on va dire, et à en faire la gloire de cet espace qui s'appelait dans les textes hiéroglyphiques, écrits en beaux hiéroglyphes, la place de la mat, c'est-à-dire du bien, on va dire, du non-chaos, de l'ordre. Et puis, dans les textes en hiératique, c'est-à-dire cette écriture rapide qu'on lit sur les papyrus, ça s'appelait simplement la tombe, parer la tombe. La mat, c'est quoi? C'est une sorte d'harmonie La mat, c'est absolument une notion cosmologique du monde égyptien qui permet au soleil de se lever et pour lequel le pharaon est l'intermédiaire auprès du panthéon égyptien pour que cette mat soit règne sur l'Égypte. C'est-à-dire, c'est vraiment, on peut dire l'absence de chaos, l'absence de désordre, l'absence de révolution, mais c'est aussi la paix, le bien vis-à-vis du mal. Moi, c'est un peu comme ça que je peux considérer la mat. Mais peut-être que Pierre en a une autre. Non. Non, nous sommes d'accord. Vous êtes assez d'accord. Donc, vous êtes tout en harmonie, voilà. Tout en mat. Apporte la mat à Ray chaque jour, afin que le foie de Ré fleurisse par Maat chaque jour quand il s'unit à la grande offrande. Ta nourriture est Maat, ta boisson est Maat, ta bière est Maat, ton pain est Maat, l'onguent de ta tête est Maat, le vêtement de ton corps est Maat, tu respires l'encens sous forme de Maat, le souffle de tes narines est Maat. Nous sommes très Maat hein, dans le cours de l'histoire sur France Culture. C'est un conte de l'Oasis hein, qui est lu par Pierre Lafond dans cette harmonie absolue. Bah oui, c'est ce que tout le monde recherche. Oui. Il n'y a pas de possibilité harmonieuse quand il y a des revendications et des plaintes. Vous l'avez évoqué l'un et l'autre, cette possibilité de se plaindre. Quelque chose de très important hein, parce que les sources le montrent. Il y avait pour tout à chacun la possibilité d'aller alors jusqu'à Pharaon même pour déposer des plaintes. Oui, effectivement. Alors, c'est évidemment, il y avait quelques intermédiaires entre. Moi, je ne parle essentiellement de la communauté de Deir el-Médina. Il y avait effectivement des plaintes qui étaient régulièrement déposées devant le tribunal qui s'appelle la Kenbet dans les textes, et ça pouvait être aussi bien des litiges entre voisins que des problèmes conjugaux, que des vols. Et puis, évidemment, on a aussi quelques plaintes un peu graves contre un chef d'équipe qui lui était particulièrement violent, voire violeur, et qui a vraiment exercé son pouvoir avec beaucoup de brutalité. Et finalement, c'est l'ouvrier Amenhart qui a déposé cette plainte, qui a gagné. Donc c'est comme ça, il a mis beaucoup de temps à être puni. Hein. Paneb, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'homme peu recommandable. Mais c'est vrai que finalement, la Kenbet a donné raison à l'ouvrier Amenhart. Maintenant, il faut savoir qu'Amenhart aurait voulu le poste de Paneb. Donc on n'est pas très sûr que toutes les charges qui ont été portées contre Paneb étaient justifiées. Mais ça, c'est la vie. Ce sont des hommes aussi. Hein. Mais oui, mais c'est ça qui est fascinant dans cette histoire. Là, on l'a dit que les corporations étaient identifiées. Mais Pierre Tallet, on peut dire que les individus eux-mêmes sont identifiés. Au moment d'aller chercher du cuivre, de la turquoise à l'autre bout là, de la terre, c'est extrêmement loin. Ce sont des expéditions. On connaît les noms de ces gens. Alors oui, c'est malheureusement on n'a pas la documentation aux époques plus anciennes qui est identique à celle de Deir el-Médina où là on a vraiment des portraits d'individus, on peut suivre parfois d'ailleurs l'évolution de la famille sur plusieurs générations, mais ce qui est vrai c'est qu'effectivement dans les journaux de bord dont je parlais tout à l'heure, on sait les journaux de bord sont écrits par un responsable d'équipe, hein, certainement un responsable d'une équipe d'une quarantaine d'individus. Le plus courant dans la documentation que j'ai eu à étudier s'appelle l'inspecteur Merer. Il doit diriger un bateau avec quelques personnages à son bord, et une équipe d'ailleurs assez polyvalente, hein, qui est capable de faire un peu tout ce qu'on lui demande de faire. Mais on voit bien ce personnage. Alors on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'ailleurs quel est son devenir après la rédaction de ces documents, mais il devient familier parce que chaque jour il nous raconte plus ou moins ce qu'il fait avec son équipe. Il nous dit on a fait tel endroit, on a voyagé à tel endroit, on a amorté tel bloc à la pyramide de Khéops, et on a passé la nuit à tel endroit. Bon, c'est très répétitif, mais le personnage finit par devenir familier par la récurrence très régulière de son nom dans toute la documentation. Et puis on a aussi un scribe qui joue peut-être le même rôle d'ailleurs que celui que l'on connaît dans la documentation de Dar al-Madina, qui semble lui contrôler toute une équipe, alors une équipe de 160 personnes cette fois-ci, avec plusieurs sections qui travaillent en parallèle. Et ce scribe semble être, lui, une sorte d'interface entre l'administration centrale et l'équipe elle-même. Donc finalement, il y a quelques individus qui prennent corps, au moins qui prennent nom, puisque aussi dans les distributions de vivres que nous avons retrouvées, ben, on a les noms des personnages qui sont les destinataires de ces produits. Maintenant, on n'en sait pas plus, malheureusement. Il faut attendre Dar al-Madina pour en savoir un peu plus sur les personnages et leur donner un peu d'épaisseur hein, au-delà du nom. Oui, mais déjà, nommer les gens, ce n'est pas les invisibiliser. On évoquait ce monde ouvrier, ces travailleurs. Ça veut dire qu'ils ont une identité en tant que telle et sans doute un savoir. C'est peut-être ça aussi qui est au cœur de ce monde-là. C'est pas simplement des gens qui portent des grosses pierres et on leur crie dessus pour qu'ils portent encore plus. Ce sont aussi, alors je ne sais pas comment ça se passe au Wadi Jaf, mais à Dar al-Madina, ce sont beaucoup des dynasties, des familles qui travaillent. Donc du coup, elles finissent par avoir un gros pouvoir, puisqu'ils se sont transmis leur savoir-faire de génération en génération. Et, comme disait Pierre, à Dar al-Madina, on connaît des familles qui ont travaillé sur le site et sur la nécropole royale pendant 2 siècles et demi. C'est quand même énorme. Hein. On n'a pas forcément ça en France. Ah non, ça c'est sûr, hein, d'avoir de la documentation comme ça. Mais c'est en cela que l'Égypte antique est fascinante, hein, par la documentation qu'elle a laissée. Et puis tout ce qu'il y a encore à travailler, et notamment autour de cet endroit assez fabuleux, hein, faut le dire, Dar al-Madina. Une fois franchi le Nil, on dirait qu'on passe de l'autre côté. On atteint la frontière entre l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident. Entre le pays des vivants, là où le soleil se lève, et le pays des morts, là où le soleil se couche. On fait route vers la vallée secrète. À l'abri d'une gorge invisible depuis le chemin, on découvre Dar al-Madina. Les habitants de l'Antiquité l'appelaient simplement le village. Le village, un extrait du film documentaire Les Hommes oubliés de la Vallée des Rois de Jérôme Prieur, un film que vous connaissez bien, Guillemette, André Lanoë, parce que vous avez travaillé sur ce documentaire, entre autres lié à l'exposition qui s'intéressait à Dar al-Madina, avec l'idée qu'on a entendue dans le film de Jérôme Prieur, ce côté vallée. Vallée un peu à l'écart. Nous ne sommes pas sur la même rive que Thèbes, c'est ça ? Nous ne sommes pas sur la rive de la grande capitale qui était l'actuelle Louxor. On est sur la rive occidentale, la rive ouest, qui est, on va dire, généralement considérée comme la rive des nécropoles. Et c'est vrai que Dar al-Madina est située dans un vallon assez à l'écart. Ce qui pose question d'ailleurs, parce qu'on est loin de l'eau. Alors quand même, un village où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'arbres, c'est un peu compliqué. Donc c'était vraiment comme un campement en fait, un campement très bien organisé, construit, avec. Mais il faut bien voir que tout était livré depuis l'endroit où il y avait de l'eau, c'est-à-dire plus près du Nil. Alors maintenant, on ne sait pas exactement où coulait le Nil à l'époque de Ramsès, mais quand même, on voit bien que les textes parlent tout le temps de livraison de tout, y compris de l'eau. C'est un grand village. Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'il fait quoi ? Il fait 300 mètres de long sur 100 mètres de large. Oui, on peut y mettre du monde. Hein. Voilà. Il y a un certain nombre de maisons. Moi, je réfléchis beaucoup à ce site parce que je vais vous dire ce que je pense, mais ça, c'est un peu peut-être que ça va pas plaire à Pierre. Mais je ne suis pas tout à fait sûre que les familles habitaient là. Voilà, je me demande si la famille n'habitait là, pas plus près de du Nil. Et je pense que le village de Dar al-Madina, c'était un village officiel où on venait quand les hommes ne travaillaient pas, les familles venaient. Mais il n'y a pas de traces d'école, il n'y a pas de traces tellement d'enfants. Et surtout, il y a beaucoup de textes qui parlent de prostituées qui viennent là. Donc, On peut se demander si finalement, et puis on voit bien, il y a beaucoup de figurines féminines, il y a beaucoup de représentations de phallus en trois dimensions. Donc il y a quelque chose d'un peu étonnant quand on a élevé des familles, comme Pierre et moi, de demander comment on faisait pour élever les enfants dans ce village. Donc moi, je me demande si finalement, les familles n'étaient pas dans des endroits détruits maintenant, mais qui étaient avec la SEMDET, c'est-à-dire le personnel de l'extérieur. Et pendant ce temps-là, sur la place de Deir el-Médina, il y avait les hommes, il y avait toutes les approvisionnements. Et puis je pense que les enfants venaient petit à petit travailler avec leur père. Alors, votre avis, vous, Pierre Tallet, est-ce un village d'ouvriers ? J'ai pas d'avis. En fait, il y a quand même quelques maisons qui semblent assez bien constituées et qui sont assez grandes, notamment pour les personnages les plus importants. Mais je suis pas spécialiste de Deir el-Médina. J'ai un peu travaillé sur l'approvisionnement de Deir el-Médina à un moment donné. En tout cas, si c'était ça, cette réalité serait assez proche de celle qu'on observerait aux époques antérieures. Puisque dans la documentation de l'Ancien Empire, du Moyen Empire, on voit très très bien que les personnages qui sont envoyés en expédition, qui sont enrôlés justement dans l'administration, dans les travaux de royaux, c'est le cas notamment à Giza, bah visiblement ils sont logés dans des baraquements et non pas dans des maisons. Donc il faut imaginer les maisons et la vie normale, je dirais, ailleurs que dans ces bâtiments qui sont préparés exprès pour les ouvriers. Mais bon, les baraquements de la 4e dynastie sont un peu différents, c'est beaucoup plus austère que Deir el-Médina. Là on a des grands systèmes de... Alors l'archéologue américain qui travaille là-dessus appelait ça des galleries, et il pense qu'on peut mettre 40 personnes dans une de ces grandes pièces allongées avec un surveillant qui contrôle quand même les allées et venues à l'entrée. Donc on est quand même dans un milieu beaucoup plus précaire que celui qui serait en fait dénoté par Deir el-Médina, où là on a quand même l'impression qu'il y a quand même un peu de vie privée dans les maisons, avec une pièce de réception mais aussi des chambres à coucher à l'arrière, voilà. Oui, mais tout peut s'entendre. Hein. Je trouve ça déjà bien qu'il y ait quelques liens entre ce qui s'est passé au Moyen Empire et à l'Ancien Empire et sous les Ramsès à Deir el-Médina. Mais c'est quand même une question, parce que il faut beaucoup d'eau quand même pour et on voit bien que l'approvisionnement en eau, il est aléatoire. Souvent, les porteurs d'eau empruntent, louent plutôt aux ouvriers leurs ânes pour apporter de l'eau. Donc ça veut dire que quand même, je suis désolée, mais ça me paraît compliqué de vivre en famille, et il y avait souvent des enfants très nombreux là. Mais peut-être que je me raconte des histoires, mais je trouve que c'est quand même une piste à suivre. Dans cette histoire, il y a l'eau, hein, vous l'évoquez, c'est essentiel, c'est l'approvisionnement aussi. L'approvisionnement, parce que au moment de parler d'un monde ouvrier, pour prendre un terme générique, il y a la question de l'argent que l'on reçoit. Ben non, peut-être pas d'argent, c'est pas de l'argent en fait qui sert de paiement. Comment ça se passe, Pierre Tallet ? C'est quoi d'ailleurs qu'on... Alors, ces ouvriers, ces équipes d'ouvriers qui sont donc des salariés de l'État en fait, de façon permanente et non pas juste quand on a besoin d'eux pour une tâche spécifique, sont payés en nature, c'est-à-dire ils sont entièrement nourris. On suppose également que leur famille l'est également de façon indépendante, mais ça, on n'en a pas toujours la trace, on n'a pas toujours la trace des documents qui auraient pu enregistrer ce type d'approvisionnement. Il est possible également que les distributions de textiles que l'on voit très régulièrement apparaître, notamment dans la documentation de l'Ancien Empire, aient pu constituer une sorte de rémunération un peu plus abstraite, en fait une sorte de monnaie de compte en quelque sorte, le textile ayant une certaine valeur, pouvant être échangé et troqué contre autre chose. Mais en tout cas, effectivement, ils sont rémunérés pour leur travail, et ils ont accès aussi, d'après les sources que nous possédons, à une alimentation qui est quand même très largement diversifiée et au-delà de ce qu'on pourrait attendre pour des milieux populaires. Notamment dans la documentation du Wadi El-Jarf, on voit qu'il y a régulièrement de la viande, enfin du petit bétail, il y a des volailles, il y a du poisson, il y a des produits laitiers. Et puis il y a même des choses qui sont beaucoup plus rares à l'époque. Par exemple, du miel, des dattes, on a des onguents aussi qui circulent visiblement. Et tout ça, ce sont des produits qui, à l'époque, sont relativement rares et précieux. Hein. Même les dattes. Les dattes, ça paraît être banal de dire les dattes en Égypte, il y en a partout, mais non, à l'époque de l'Ancien Empire, il n'y a pas de dattes. C'est un produit extrêmement rare, qui commence à peine à être acclimaté en Égypte. Eh bien, ces ouvriers, ils ont accès à ça. Et ils ont accès à ça, non pas parce que, probablement, on cherche à leur donner des choses très précieuses, mais tout simplement parce qu'ils ont accès naturellement à tout ce qui correspond aux circuits économiques qui sont contrôlés par l'État. En fait, ils ont ce qui est disponible, en fait. Il n'y a pas forcément une valeur, je dirais, une valeur marchande qui est ajoutée à ces produits dans l'esprit de celui qui les distribue. Donc en fait, leur niveau de vie est certainement relativement privilégié aussi pour cela. Guillemette André Lanoé, dans ce cas de Deir el-Médina, vous avez évoqué ces groupes de femmes donc domestiques, éventuellement d'une communauté alors ouvrière plus ou moins ouvrière. Ça veut dire que quand même, tout est question d'approvisionnement. Il faut au moins que tous ces gens-là aient de quoi dormir, vivre, oui. Manger. Alors, ils avaient un habitat, ils avaient des maisons qui étaient plutôt confortables, en fait. Trois pièces, en enfilade. Mais c'est vrai qu'il fallait... ce qu'on leur apporte, c'est aussi, par exemple, les céréales pour faire le pain. Et c'est eux, ils brassent leur bière eux-mêmes. Ça, c'est la seule chose qu'ils fassent, apparemment, en dernier milieu. En revanche, ce qu'ils ne font pas, c'est tout ce dont Pierre vient d'apporter, c'est d'aller chercher, on va dire, dans les endroits où il y a de l'eau et une vie agricole et commerciale possible, eh bien, tout est apporté, non seulement par des hommes de l'extérieur, et puis par ces femmes. On voit bien qu'elles sont plutôt à la disposition des maisons. Et donc, je ne suis pas sûre qu'elles sortent tellement. Elles sortent peut-être, mais ce sont des hommes qui font l'approvisionnement. Ce sont des hommes qui enregistrent l'arrivée des provisions. Et tout ça, c'est vraiment très masculin. Ça m'a frappée. J'étais dans un jury de thèse de Claire. Et il y avait finalement, au Rethem, il n'y avait pas du tout, au poste de contrôle qui était au nord du village, où tout se passait, toute la vie collective avait lieu, il y avait finalement très rarement mention de femmes. Vous évoquez poste de contrôle, ça veut dire que ce village est contrôlé, il y a une enceinte ? Alors, il y a un mur qui n'est pas vraiment une enceinte fortifiée, mais il y avait quand même un mur. Enfin, ce qu'il en reste, il en reste environ 1,50 m maintenant. Il était sans doute plus haut, puisqu'il donnait, il y avait une terrasse sur les maisons. Mais on ne peut pas dire que... oui, c'est vrai, il y avait des patrouilles qui vérifiaient que les hommes ne sortaient pas comme ça si librement. Ils sortaient pour aller au travail, on avait des rois. Mais comme ils savaient beaucoup de choses sur les tombes royales, l'installation des tombes royales, le mobilier funéraire qui allait un jour être déposé auprès du pharaon, il fallait mieux rester silencieux sur tous ces trésors et sur toutes ces informations. Oui, le pouvoir, c'est le savoir, hein. C'est la connaissance. Et ces gens-là, ces ouvriers, ils connaissent beaucoup de choses. C'est pour ça aussi qu'ils sont un peu choyés, en tout cas considérés différemment de ce que peuvent connaître tous ces paysans ou les autres, les maçons, les constructeurs, etc., partout en Égypte. Alors c'est aussi pour ça qu'ils sont d'ailleurs beaucoup plus documentés, parce qu'on sait rien des autres en fait. Là, il se trouve que puisqu'on rentre dans la sphère royale, on rentre aussi dans la sphère de l'écrit, et que donc on a des sources enfin pour parler d'une certaine catégorie sociale. Alors maintenant on peut rien dire sur les autres d'une certaine façon. Est-ce que on avait des communautés ouvrières ailleurs dans d'autres endroits d'Égypte, peut-être dans des provinces organisées de façon peut-être similaire, mais la documentation pour les étudier nous manque. Donc ça c'est aussi une question, un effet de la déperdition des sources qui sont à notre disposition pour les étudier. Ce que j'entends dans tous les cas, c'est que tout est très contrôlé. Alors contrôlé au sens surveillance, etc., ça c'est une chose, mais contrôlé parce que tout est compté, numéroté, c'est incroyable. Et aussi inscrit, c'est-à-dire que le rôle du scribe, on peut aussi parler très rapidement, mais j'ai pas révisé dessus sur les papyrus Reister, ou qui sont des papyrus qui reflètent l'activité d'un chantier de construction navale. Et là aussi, il y a Philippe Derchin disait qu'il manquait que le carbone en Égypte ancienne. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de manie de tout enregistrer qui est tout à fait précieuse pour nous et qui manque évidemment pour les chantiers dont on n'a pas les textes. Évidemment, la chance du Wadi El Jaf et de Al-Mina, c'est qu'on a retrouvé les papyrus, et ça c'est magnifique quoi. Puis il n'y a pas que les papyrus, hein. Il y a aussi l'iconographie qui permet de voir les postures. C'est une histoire complexe, mais une histoire des techniques qui est liée à celle du monde ouvrier. Donc là c'est possible de mettre en relation ce qu'il y a dans les papyrus et ce que l'on peut voir comme bas-relief ou relief. Alors si c'est à moi que vous posez la question, je dirais qu'on est quand même un peu triste que les Égyptiens n'aient pas eu à cœur de montrer dans leur tombe ce à quoi ils avaient consacré leur vie ici-bas. Puisque on imagine que ce qu'il y a sur les parois des tombes, c'est plutôt un paradis rêvé, espéré, plutôt que leurs activités. Donc de temps en temps, on a la chance d'avoir des représentations de transport de par bateau, mais c'est vrai que quand même, on n'en veut pas. Enfin, Pierre peut parler mieux que moi des architectes des pyramides. on n'a pas grand-chose. Ouais, on n'a pas grand-chose. Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, donc, la tombe n'a pas pour objet de donner aux archéologues du 20e, 21e siècle la recette des opérations qui pouvaient se faire en Égypte. Donc, leur raison d'être est tout à fait différente. Hein, c'est d'évoquer justement un monde qui fonctionne dans le cadre de la chapelle funéraire d'un personnage. Donc, alors, on a des informations qui sont réelles, qui sont concrètes, des choses qui sont vraies, qu'on voit. Et souvent, on va chercher les opérations qui sont les plus représentatives. C'est-à-dire que dans une chaîne opératoire de la fabrication d'un objet, par exemple, on va montrer ce qui finalement peut résumer la chaîne opératoire à soi tout seul. Et ça, c'est évidemment un biais important. Et pour arriver véritablement à avoir des informations sur ce que pouvaient faire les ouvriers dans leur vie concrète, dans le traitement de la fabrication d'objets notamment, bien, il faut mettre à profit toutes les sources, les objets eux-mêmes, voir comment on a pu les travailler, et parfois aussi avoir recours à l'archéologie expérimentale pour essayer de reconstituer les conditions dans lesquelles on travaillait il y a plusieurs millénaires. Guillemette André Lanoé, sur l'archéologie expérimentale, quelque chose ah oui, de ça nécessaire. C'est une approche qui est tout à fait importante, hein, d'essayer de savoir comment on fabrique les statues, Pierre peut en parler mieux que moi, parce que sur son chantier, il a expérimenté, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que c'est incroyablement audacieux et finalement efficace d'essayer de refaire le geste de l'homme égyptien. Oui, parce que le but aussi est de faciliter la tâche, mais pas juste pour le bien-être individuel, c'est pour rendre efficace le travail. Bien sûr. Oui. En fait, alors justement, nous avons reconstitué plusieurs chaînes opératoires sur les différents chantiers de fouilles sur lesquels j'ai travaillé, aussi bien à Ain Sourna qu'au Wadi Jarf. Ce sont deux ports sur la mer Rouge. Alors, au Wadi El Jarf, on a notamment essayé de reconstituer la chaîne opératoire de taille et de transport des blocs. Il se trouve qu'on a un système de magasins qui sont des caves, enfin des galeries creusées dans la montagne où les Égyptiens entreposaient leurs bateaux. Et au moment de quitter le site, il bloquait ces galeries avec de gros blocs de calcaire qui ont le module de ceux qu'on trouve dans la nécropole de Giza. Et on a les carrières d'où proviennent ces blocs juste à côté. Et avec deux de mes collaborateurs, Franck Burgos, qui est tailleur de pierre professionnel et archéologue, et Emmanuel Larose, eh bien, on cherche à reconstituer ce cheminement. Notamment, on a vu les carrières, on a essayé de tailler des blocs dedans, on a observé les gestes des ouvriers, on le voit hein, avec les cales qu'ils ont laissées sous les blocs pour essayer de les sortir de la carrière, et on se rend compte parfois de choses assez étonnantes. Hein, par exemple, donc Emmanuel Larose et Franck Burgos se sont rendus compte que ce calcaire que l'on a, qui d'ailleurs est le même que celui qu'on a à Giza, si en taillant des joints pour essayer de détacher un bloc, on humidifie le joint, mais la pierre se décompose et on va 4 ou 5 fois plus vite pour la débiter. Alors c'est pas anodin ça, parce que ça veut dire que pour la même équipe de travail, eh bien, on va faire 5 fois plus de travail, effectivement, avec cette technique. Et ces techniques, ils les avaient. Et ça, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas cherché à reconstituer ces méthodes de travail. À force d'archéologie expérimentale, attention, hein, Pierre Tallet, vous allez finir par reconstruire une pyramide. Cet ensemble de pyramides a été considéré par les Grecs comme l'une des 7 merveilles du monde. Ce sont les grandes pyramides de Gizeh en Égypte. Elles ont plus de 45 siècles et elles sont presque intactes. La première, la plus grande, a été construite par le roi Khéops, un pharaon d'Égypte, vers 2690 avant Jésus-Christ. De cette époque, on ne sait presque rien. Il ne reste que cette pyramide. 230 mètres de côté, elle couvre plus de 5 hectares. Sa hauteur, à l'origine 146 mètres. Et pendant 4000 ans, aucun autre édifice n'a atteint cette dimension. Tous les touristes qui viennent en Égypte passent par ici. Ils viennent voir cette merveille, ce tour de force de la technique ancienne. Pour construire la Grande Pyramide, il a certainement fallu plus de 30 ans. Un nombre fabuleux de pierres a dû être transporté ici. Il y en a plus de 2 millions. Chacune pèse entre 2 et 3 tonnes. Et c'est lourd, les pyramides présentées dans l'émission Les Visiteurs du mercredi en 1975. Dites-nous, Pierre Tallet, vous êtes historien, égyptologue, archéologue. Vous êtes titulaire de la chaire d'égyptologie à l'université Paris-Sorbonne. Et dans cette histoire de l'organisation du travail, on sent qu'il y a, parce qu'on l'a dit, tout est contrôlé, des systèmes. Vous avez prononcé ces mots d'équipe. Mais est-ce qu'on a une idée de l'organisation réelle? Comment ça se passait? Alors, on a visiblement, à cette époque-là, bon, évidemment, une organisation logistique absolument impeccable, qui est finalement la condition de la construction de monuments géants comme celui de Khéops. Un savoir-faire technique tout aussi impressionnant pour tailler des blocs de granit, alors qu'on n'a pas encore le fer, par exemple. Hein, ça demande une grande patience et la maîtrise parfaite d'un certain nombre de techniques très, très précises. Et puis, effectivement, les corporations d'ouvriers sont organisées à peu près toujours selon le même module. On a une équipe qui s'appelle APER, hein, qui est en fait le module de base du travail. Et cette équipe se subdivise en quatre, alors on appelle ça des tribus ou des files, qui sont toujours nommées de la même façon, la grande, la petite, l'asiatique et la prospère, qui chacune compte 40 personnes. Et ces différentes tribus se subdivisent à leur tour en équipes de 10 personnes, l'équipe de 10 d'ailleurs ayant été pendant toute l'histoire égyptienne, je dirais, le compte de base d'une équipe manipulable. Voilà, c'est comme ça que c'est organisé, et on le voit très très bien, c'est un modèle qui finalement se démultiplie et omniprésent à l'époque. Hein. On voit que il y a certainement des équipes, alors les équipes sur lesquelles je travaille sont certainement des équipes de bateliers, mais on a des équipes de même module qui doivent être également des équipes de tailleurs de pierre ou de maçons, et elles portent généralement des noms qui sont en relation avec les épithètes royales, qui montrent qu'elles sont bien intégrées justement au système étatique de la 4e dynastie. À Deir el-Médina, vous trouvez à peu près ce fonctionnement aussi en équipe, alors de 10 et puis après ça augmente? Alors, effectivement, alors c'est pas tout à fait comme ça à Deir el-Médina. Leur travail, c'est de creuser le couloir qui conduit aux chambres de la tombe royale. Et il y a deux équipes, la gauche et la droite. Et à la tête de chaque équipe, il y a un chef d'équipe qui souvent est assisté d'un assistant, d'un quelqu'un qui l'aide. Et puis, il y a le scribe, on va dire, qui est là et qui enregistre tout ce qui se passe, l'avancement du travail, la progression, et qui, lui, va rendre compte au vizir de l'avancée du travail, des difficultés éventuelles. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il travaille 3 des 4 par mois. Alors, ça fait 30 jours. 30 jours, voilà. Ouais, d'accord, ok. Et vous savez qu'à la Révolution, en France, on avait supprimé la semaine avec le dimanche. Oui, c'est vrai. Mais, en fait, c'est simplement un système assez commode. C'est comme dit Pierre, le chiffre de 10, c'est quand même la base. Et au bout de cette période de travail, ils avaient droit à 2 jours de congé. Voilà, un système décimal, en fait. Exactement. Donc, il y avait évidemment du congé, même le plus dur des contremaîtres, c'est qu'un ouvrier ne peut pas travailler en continu efficacement. Savait aussi que, parce qu'ils étaient éclairés dans la tombe, qui était évidemment très noire et il n'y avait pas de lumière zénitale, par des mèches qui se consommaient, et que chaque messe demandait 4 heures pour être arrivé à extinction. Donc la journée de travail était de 8 heures. Et sur place, ils avaient des cabanes, qui sont maintenant bien connus dans la vallée des rois, qui leur permettaient de vivre leur famille ou rester dans l'agglomération, ou en tout cas que la vie continuait à Deir el-Médina. Mais c'est tout à fait intéressant, et ce qui est amusant aussi, c'est de voir qu'il y avait entre la vallée des rois et Deir el-Médina un endroit que les fouilleurs ont baptisé la station du col. Et alors moi, j'ai un peu l'idée que c'était comme un pub, c'est-à-dire que les hommes remontaient, il y avait effectivement des mentions de boissons, et chacun avait un siège avec son nom, comme dans une église autrefois, les grandes familles avaient leur nom, et ils avaient une vue magnifique sur les temples pour les souverains desquels ils travaillaient, même sur le temple de Karnak qui était sur l'autre rive du Nil, et c'était très bien organisé en fait. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui a été trouvé comme ostracon figuré, c'est-à-dire comme dessin, petit dessin, on voit bien que c'était un lieu qui était vraiment réservé aux ouvriers, aux hommes qui venaient là se détendre. C'est formidable de voir ce monde qui se construit grâce à tous vous deux là. Mais tout est pour l'instant dans l'ordre parce que tout est bien organisé, l'approvisionnement est assuré, tout se passe bien. Comme on dit, c'est la mat, c'est la mat antique. C'est l'harmonie. Oui, mais au milieu de cette harmonie, soudain, la grève. Si nous en sommes arrivés à ce point, c'est à cause de la faim, à cause de la soif. Il n'y a pas de vêtements, pas d'ongles, pas de poissons, pas de légumes. Écrivez à Pharaon, vie, santé, force, notre bon maître. Vie, santé, force, à ce propos, et écrivez au vizir, notre supérieur, pour qu'on nous procure un moyen de subsistance. Un extrait du papyrus dit de la grève, lu par Alexandre Manzanares, qui réalise cette émission, Le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Déjà, on peut s'arrêter sur ce document. Quel est ce papyrus aujourd'hui conservé à Turin, en Italie? Alors, c'est un papyrus qui date de l'an 29 de Ramsès III. Donc, on est déjà dans une période où l'Égypte est dans un déclin assez sensible. Les caisses de l'État commencent à être vides. Il y a de plus en plus de radias, on va dire. Et c'est évident que c'est assez compliqué d'approvisionner l'équipe. D'autant plus que Ramsès III avait eu l'idée quand même assez folle. C'était quand même quelqu'un qui avait la folie des grandeurs. Et il avait voulu une tombe très, très, très, très grande. Donc, l'équipe était augmentée jusqu'à 120 hommes. Et là, disons que l'État n'était plus en état de les approvisionner comme il le fallait. Et donc, ils ont arrêté de travailler. Ils se sont plaints. Alors, c'était amusant parce qu'ils ont fait comme un sitting. Ils sont allés à l'arrière du temple de Toutmosis III qui était en contrebas du site. Et voilà, ils ont attendu. Ils n'ont pas bougé jusqu'à ce qu'on leur rende justice, qui n'a pas été toujours le cas. Donc, c'est une grève qui a duré quelques jours, hein, quand même. Ça ne s'est pas... Et puis, ensuite, ils ont été dispersés. Mais il y avait de quoi se plaindre, effectivement. Et après, c'était quand même un peu... Ça commençait à être la fin de l'époque des grands Ramsès. Ce mot grève est évidemment anachronique, hein, mais il faut bien utiliser des mots. En tout cas, l'action elle-même est évidente. C'est le travail. Alors là, nous sommes au XIIe siècle, oui, avant Jésus-Christ, avec une action documentée, mais on sent bien, hein, que dans ce système-là, ça a dû exister de manière évidente auparavant. Là encore, c'est effectivement, on a un coup de projecteur sur quelque chose de très ponctuel, hein, les grandes grèves, hein, la grande grève de l'an 29 de Ramsès III, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas pu y avoir des événements comparables à d'autres époques, simplement on n'a pas retrouvé la documentation, peut-être que la documentation n'était pas aussi précise non plus, parce que là on a vraiment un mémoire qui donne un peu la parole aux ouvriers. En fait, on sent bien qu'il y a un scribe qui est en train d'observer la situation pour faire un rapport à ses supérieurs et leur donner une vision relativement détaillée de ce qui se passe. Mais il est probable qu'à d'autres périodes de l'histoire, il ait pu y avoir des événements comparables, c'est certain. L'enjeu est énorme, hein. Cesser la construction de la tombe. Alors, il y en avait qui s'arrêtaient de travailler dans la Vallée des Rois, à la tombe, et puis surtout ceux qui revenaient au village et qui allaient finalement du côté de là où il y avait les instances du pouvoir et du vizir en particulier. Et c'est tout à fait étonnant. Et en même temps, Pierre a raison de souligner que on est complètement dépendant de l'archéologie, c'est-à-dire c'est toujours l'archéologie qui a raison, et nous on parle, mais il n'empêche que c'est vrai que on est content d'avoir de temps en temps une découverte aussi exceptionnelle que le Wadi El Jaf ou le papyrus de la grève autrefois, ou la lecture de nouveaux papyrus, parce que faut bien voir qu'à Turin il y a des centaines de papyrus qui proviennent de Deir el-Medina et qui ne sont pas tous encore lus. Ah, ils ne sont pas lus, donc on peut imaginer d'autres mouvements sociaux. Oui. On pourrait effectivement. Alors, ce qui est intéressant aussi pour ces papyrus de la grève, justement, c'est que le premier mouvement de ces ouvriers est d'aller se manifester devant les grands temples qui se trouvent dans la région donc de l'ouest de Thèbes. Et c'est certainement pas un hasard, puisque ce sont certainement ces grands temples qui sont des relais économiques de l'administration royale qui assurent une partie de leur rémunération en mature. Hein. Dans le village de Deir el-Medina, on a retrouvé des étiquettes de jarre, hein, qui font des inscriptions en hiératique, hein, en cursif, sur des grands récipients qui permettait de transporter l'alimentation, hein, la viande, la bière, le vin. Et beaucoup de ces récipients proviennent du grand temple de Ramsès II dans la nécropole. Donc le premier mouvement des ouvriers, finalement, c'est d'aller à l'endroit où on peut distribuer ces aliments et où on peut leur débloquer finalement une aide alimentaire d'urgence pour leur famille. Oui, parce qu'on peut dire qu'il y a cette première grève et aussi la naissance de la manifestation dans le même mouvement. En tout cas, l'idée de se réunir est quelque chose de très cohérent, parce que vous nous avez expliqué que c'est à l'image du monde du travail, en fait. C'est un monde extrêmement organisé. Donc, au moment d'être pas content, on est organisé aussi. Oui, non, c'est vrai qu'on est, on assiste au début d'une manifestation corporatiste, en fait. Et parce que ils sont pas contents. Je veux dire, on peut lutter contre la réforme des retraites, mais on peut aussi lutter contre le fait qu'on ne soit plus payé. Qu'on ne soit plus payé et le fait qu'on ne reçoive plus l'approvisionnement nécessaire. Et non, mais là, il en va de la vie même de tous ces gens-là. Il y a quand même un paramètre à souligner ici. C'est que nous ne sommes pas avec, des esclaves à proprement parler, au sens où il y a l'affirmation d'une identité. c'est peut-être aussi le cœur de cette réflexion. On ne peut être en grève que si l'on sait qu'on peut être en grève ou s'arrêter de travailler. Ces gens-là ont une identité propre et un savoir aussi particulier. J'imagine que chacun maîtrise un métier. Alors pour ce qui est des équipes, en fait, c'est assez surprenant de voir que elles sont souvent très polyvalentes. On a un corps de métier, hein, notamment bon pour la construction des pyramides, voire pour les expéditions au Sinaï aux différentes époques de l'histoire. On a des corps, et je pense pour Dalmédina aussi, hein, le gros de la troupe, ce sont les carriers. En fait, c'est une main d'œuvre qui va débiter les blocs et qui va donc ménager des espaces vides en creusant notamment la tombe royale ou en taillant des blocs pour construire les pyramides, par exemple. Mais à côté de ces corps de métier qui sont visiblement des corps importants et déjà des corps de spécialistes, hein, puisqu'on a aussi mention dans la documentation de corps d'auxiliaires qui viennent parfois les appuyer. Mais on a, moi j'ai justement l'exemple d'une expédition au Sinaï par un groupe d'ouvriers, justement. Bah, je vois leur composition, hein, ça c'est la stèle du Sinaï numéro 114. Hein, bon, c'est un peu technique, ça date d'Amenemhat III et on est autour de 1800 avant Jésus-Christ. Alors, l'expédition qui va au Sinaï, elle est composée d'une petite partie d'une dizaine de personnes qui est l'encadrement officiel, donc c'est en fait les lettrés, hein, majordome, scribe, contrôleur et le chef d'expédition. Après, on a 80 carriers, puis on a des personnages chargés de l'alimentation, des échansons, des passeurs qui vont se charger du transfert, et puis on a un tailleur de pierre, deux géologues, deux métallurgistes, deux charpentiers et même deux jardiniers. En fait, toutes les compétences sont réunies dans cette équipe pour pouvoir faire face à toutes les situations. On a le gros de la troupe qui a un travail à faire, bien défini, et puis on a quand même des spécialistes qui sont visiblement intégrés à l'équipe et qui sont capables d'apporter leur regard sur ce qui se passe. Dans ce regard que nous portons souvent sur l'Égypte pharaonique, il y a un personnage assez pharaon. Mais Guillemette, André Lanoé, on sent bien que c'est l'ensemble d'une société. Vous êtes égyptologue, archéologue, conservatrice générale du patrimoine et directrice honoraire du département égyptien du Louvre. Dans cette histoire qui vous intéresse, et notamment votre travail sur Deir el-Médina, on est au plus près des gens. C'est très touchant même de voir cette histoire. On est dans l'émotion, on est dans le sentiment, on est dans la crainte, on est dans le doute. Oui, c'est tout à fait extraordinaire de voir ces textes qui nous montrent que cette société est finalement assez craintive de l'au-delà, assez craintive des dieux. On a aussi un personnage enfin, il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment identifiés, dont on connaît le caractère ou dont on connaît l'écriture aussi, puisque ces gens-là écrivaient sur des papyrus ou sur des ostracas, c'est-à-dire sur des éclats de calcaire ou des tessons de poterie. Et c'est vrai qu'il y en a un qui s'appelle Kenherepchef, qui est la malédiction des épigraphistes, parce qu'il a une écriture mais épouvantable. Donc, tout de suite, on le reconnaît, mais ce Kenherepchef, c'était l'intellectuel de la bande. C'était un homme qui avait une énorme bibliothèque, qui aimait les lettres, qui faisait des listes de mots, qui faisait des listes de quelles sont toutes les graphies possibles pour tel mot, et qui avait aussi un document qui est bien connu, qui est conservé au British Museum, qui est une clé des songes, un papyrus qui raconte comment on peut interpréter les rêves. Et ça, c'était une chose il était très très obsédé par le surnaturel. Il pensait qu'on était en contact et en fait sous le contrôle des éléments surnaturels et des personnages ou des divinités. Et c'est amusant de lire la traduction de ce papyrus, parce que si vous rêvez que vous mangez de l'urine, que vous buvez de l'urine, que vous mangez des excréments, que votre femme a des relations sexuelles avec un animal, eh bien c'est très bon signe, c'est un très bon présage. Voilà. D'accord. Ça c'est quand même une chose à voir. Bah, on se réveille pas indemne quand même. Et non, mais c'est un personnage tout à fait étonnant, et on connaît aussi sa vie de famille, et on sait qu'il n'a pas pu avoir d'enfant et que du coup, eh bien il a adopté quelqu'un. Un enfant. Et ça se faisait. À Deir el-Médina, il y avait des adoptions. Pierre Thalès, c'est ça hein, aussi, cette proximité à ces gens, à ces travailleurs qui aujourd'hui est possible, mais simplement par le nouveau regard porté sur ces gens-là. Tout était là à portée de main. Bien sûr. Alors moi, malheureusement, la double entendre que j'utilise est beaucoup plus austère. Hein. On n'a pas la personnalité des gens. Maintenant, c'est quand même intéressant parce que malgré tout, il y a une implication, même involontaire, dans les documents qui sont produits. Par exemple, donc ces journaux de bord où les ouvriers vont systématiquement dire ce qu'ils ont fait dans la journée, c'est en fait à destination de l'administration. Hein. On peut contrôler qu'ils ne sont pas partis faire autre chose les jours de travail qui sont proposés. Mais on a une écriture en noir lorsqu'ils font leur travail et quand quelque chose d'intéressant pour eux se produit. Par exemple, quand on leur apporte la nourriture, quand on leur donne du matériel ou des gratifications de textile, quand il y a un jour de fête, ça c'est écrit en rouge. Donc visiblement, on a quand même quelque chose d'un peu plus subjectif, mais ça reste quand même assez austère dans l'ensemble. Voilà, on peut quand même suivre un petit peu ce qu'il y a dans la tête de celui qui est le rédacteur du document. Quand il nous dit par exemple, ah bah oui, là pour le coup, on va aller moins vite parce que il y a pas de vent, donc il va falloir tracter les bateaux depuis la grève. Alors on sait pas très bien ce qu'il pense, mais on sent qu'il est contrarié. Et puis on voit aussi des accidents, hein. C'est aussi important de le souligner parce que ce sont des travailleurs, donc le corps aussi oui. Peut être meurtrier, et ça apparaît dans les sources. Oui, moi je peux vous amuser parce que dans les listes que Daryl Medina a fournies, il y a les motifs d'absence au travail. Ah bah donnez-les parce que comme ça on les note. Alors, faut dire que on se rend compte que quand même c'était assez, c'était souple on va dire, hein. Il n'y avait pas une... Alors, à titre personnel, il prend son congé. Deux autres ne viennent pas parce qu'ils ont participé à une beuverie. Un construit sa maison, il n'a pas le temps d'aller travailler. Service rendu à d'autres. Alors là, ce sont les chefs d'équipe qui prélèvent des membres de l'équipe pour faire travailler pour eux. Alors, il transporte des pierres pour le scribe. Il compose des médicaments pour l'épouse du scribe. Il y a une chose qui est tout à fait intéressante. Il y en a qui ne viennent pas parce que leur épouse ont leurs règles ou leurs filles ont leurs règles. Vous voyez, on parle beaucoup de congés menstruels maintenant. Eh bien, là, c'était pas les femmes parce qu'on ne sait pas si elles travaillaient. Mais en tout cas, les hommes avaient le droit de ne pas venir. Brassage de la bière. Alors là, il y a 17 raisons, motifs d'absence. Sinon, il y a aussi des deuils et une momification des ceux qui sont morts dans la famille. Merci d'avoir donné ces excuses. On va les noter. On ne sait jamais. Non, mais j'aime beaucoup l'idée de ne pas aller au travail pour beuverie qui est déjà 12 ou 12e siècle avant Jésus-Christ. Merci vivement à tous les deux, hein, Pierre Tallet. Et puis moi, je renvoie au site internet Le Cours de l'Histoire sur franceculture.fr pour avoir toute la bibliographie, ces études sur les papyrus de la Mer Rouge avec l'inspecteur. Rien que le mot inspecteur dans un titre, l'inspecteur Merer, dans un titre d'ouvrage, ça donne envie. Et merci beaucoup, Guillemette Andrela Noé. Rappelez-nous le nom de celui qui étudie les songes. Alors, Ken R. Repchef. Voilà, donc grâce à lui, nous pouvons évoquer le rêve général. Mais pour le moment, notre aventure continue avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les historiens américains étudient l'histoire de France? La Society for French Historical Studies est, aujourd'hui encore, la principale association professionnelle regroupant les universitaires américains travaillant sur l'histoire de France. Lors de son premier congrès annuel, elle n'avait réuni qu'une trentaine de spécialistes. En 2004, son 50e congrès, tenu à la Bibliothèque nationale de France, a rassemblé plus de 900 participants pendant 4 jours. Ces chiffres donnent une idée du chemin parcouru en un demi-siècle et du rôle que jouent aujourd'hui les universitaires américains dans les développements de l'historiographie de la France. La comparaison entre les objets d'études retenus lors des premiers congrès de l'association et ceux qui dominent aujourd'hui donne une autre idée de ces mutations. Dans les années 1950, les communications privilégiaient l'histoire politique de la France, avec un intérêt particulier pour les révolutions de 1789 ou de 1848 et l'histoire des relations franco-américaines. Le mouvement social de mai 68 a marqué un tournant, car c'est à partir de ce moment-là que les intellectuels français ont commencé à exercer une forte influence sur les universitaires américains. Une nouvelle génération a découvert l'histoire sociale développée par les Annales, la revue que Marc Bloch et Lucien Febvre avaient fondée en 1929. Le dynamisme de ce qu'on appelait alors l'école des Annales a incité un certain nombre d'historiens américains de la France à faire le lien avec la New Social History, née en Grande-Bretagne au milieu des années 1960. Dans un second temps, ces historiens ont renouvelé leurs objets d'étude en s'appuyant sur les analyses des philosophes français comme Michel Foucault et Jacques Derrida. La lecture américaine de leurs écrits a été le point de départ des nouveaux courants de recherche qui ont aujourd'hui le vent en poupe concernant la question du genre, du colonialisme, des minorités sexuelles ou ethno-raciales. On ne peut pas ignorer qu'il existe souvent des incompréhensions entre la façon dont ces historiens américains observent l'histoire de France et celle qui reste majoritaire chez les universitaires français. Il faut toutefois rappeler que ce n'est pas nouveau. En 1955, Jacques Gottschaux, l'un des historiens français qui connaissait le mieux le monde universitaire américain, déplorait déjà le regard trop critique que ses collègues d'outre-Atlantique portaient sur notre histoire coloniale. Comme beaucoup de Français de cette époque, il croyait que cet empire avait encore un avenir. Ce qui montre que les historiens, même quand ils se tiennent à distance des enjeux politiques de leur temps, sont toujours dépendants du contexte national dans lequel ils évoluent. Le côté positif de l'historiographie américaine de la France, c'est donc qu'elle offre un point de vue décalé sur notre propre histoire collective. Mais il y a aussi un côté négatif, car le regard que les universitaires américains porte sur le monde et lui aussi façonné par leur propre histoire nationale. Certains d'entre eux ont parfois tendance à l'ignorer, ce qui est paradoxal quand on se donne pour but de dénoncer le néocolonialisme. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par une équipe mais digne des bâtisseurs et des bâtisseuses de pyramides. Jeanne Delecroix, Toscane Vudet, Jeanne Copet, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou. Merci à Sabine Dahuron de l'Institut National de l'Audiovisuel. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.